Saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. Le Seigneur a été miséricordieux envers nous. Bwana Mungu alikuwa wa rehema kwetu. Nous a gardé depuis dimanche. Alituchunga siku ya yenga ya juma. Et il a conduit nos pas en ces lieux. Na aliongoza miguu yetu kufika pa hifadhi. Il a protégé la femme de notre frère Deli. Alichunga mke wa ndugu yetu Deli. La famille. Jamaa ya ndugu yetu ya mke wa ndugu yetu Deli. Qui a été attaqué aujourd'hui vers 2h du matin. Bariba shambulia leo asubuhi saa ya 2h du matin. Moi le Seigneur les a épargnés. Alakini Bwana Mungu aliba epusha. C'est pourquoi en tant que chrétien, je commande sawa ba Christo, ayant toujours l'habitude de remettre la nuit et notre sommeil entre les mains du Seigneur. Tukwe na zoezo ya kuachiria usingizi wetu na usiku yote mzima mikono ya Bwana. Parce que c'est lui qui est le bon gardien. Kwani yeye ndio mchungaji mwema. En toute chose. Mukila kitu. Il y a une question qui m'a été posée ici. Kukuulizo moja waliniuliza hapa. Par un frère qui nous suit en ligne. Kwa ndugu yetu moyo ule anatufuata kwa internet. Bonne journée dominicale, cher pasteur. Amjambo pastori mpendwa. J'ai lu sa question. Nikunasoma ulizo yake. Dans la prédication du jeudi 19/11/2020, juste à la 36e minute, dakika tu ya makumi tatu na sita, vous avez dit ulisema hivi, ce qui suit. Hii unafuata. Même les païens inconvertis qui vivront dans le millénium n'auront pas de mauvaises pensées. Hata bapagano basipo kuamini bale wataishi mutawalo wa miaka elfu abatakuwa na mawazo mbaya. C'est Satan qui sème les mauvaises pensées dans les gens. Ni shetani ndio kuna panda mawazo mbaya ndani ya bantu. Satan sera lié pendant 1000 ans. Ainsi de suite. Shetani batamufunga kadiri ya miaka elfu na binginepo. J'ai deux préoccupations. Mimi nikuna maulizo mbili. La première. Ya kwanza. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer eti dans quel cas un païen inconverti peut se retrouver dans le millénium? Unaweza kunifasilia namna kani mpagano asipokuamini anaweza kupatikana mwile utawalo ya miaka elfu? Comment un païen inconverti namna kani mtu mpagano asipokuamini asipogeuka peut-il se retrouver dans le millénium? C'est la première préoccupation du frère. Namna kani anaweza kupatikana mwile utawalo ya miaka elfu? Hii ni ulizo ya kwanza ya ndugu yetu. À cette question, je réponds. Kui ulizo sasa niko najibia. C'est à cause de la promesse. Ni kwa ajili ya malako. Que Dieu a faite par rapport à la position de tout homme. Ile Mungu alifanya alilaka kuangalia msimamo wa kila mtu, de tout peuple, msimamo wa kila taifa, de toute langue, ya kila kabila, qu'il prendra vis-à-vis de son peuple juif. Ile msimamo ile atachukua mbele ya taifa yake ya Bayuda, vis-à-vis d'Israël, mbele ya Israeli. C'est à cause de cette promesse qui se trouve dans la Genèse chapitre 12. Ni kwa ajili ya hii malako inapatikana mwanzo sura 12 dans son verset 3. Mustari ya 3. Où depuis longtemps Dieu promet à Abraham. Mule tangia zamani Mungu eko nalaka Ibrahim. Je bénirai ceux qui te béniront. Ya kwamba mimi Mungu tabariki wale watakubariki. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na talani wale wote watakulani. Cette promesse. I malako. C'est répercuté sur tous les enfants d'Israël. Ikunaonekana ni yule ya watoto wote wa Israeli. Dans la Genèse au chapitre 29, Mwanzo sura 27, saba, dans son verset 29, mstari ya makumi mbili na kenda, la dernière partie, kipande ya mwisho, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Alaaniwe yeyote ula takulani na abarikiwe yeyote ula takubariki. Dans Nombre au chapitre 24, Mwesabu sura makumi mbili na ine, dans son verset 9, mustari ya tisa, la partie toujours B, qui pende ya pili, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Abarikiwe yeyote atakubariki na alaniwe yeyote atakulaani. Balaam avait très bien compris Balaam alielewa mzuri le comportement qu'il devait avoir envers Israël, le peuple de Dieu. Namna kujongoza ila alipashikwa nayo mbele ya taifa ya Israeli. Lorsque Balak l'invita à aller le maudire, wakati Balak alimwalika aende alani Israeli, sous l'inspiration divine, il dit, chini ya ongozi ya roho ya Mungu anasema, comment maudirai-je celui que Dieu a déjà béni? Namna kani mimi Balak Balamta lani ule Mungu anesha kubariki. Donc ces nations qui seront favorables à Israël pendant la guerre d'Armageddon, manake hii mataifa ile tamsaidia Israeli mwile vita ya Armagedoni, qui combattront à côté d'Israël, ile tamsaidia Israeli mvita, ce sont ces nations là ile mataifa, à cause de leur amour et de leur protection d'Israël, ni ile mataifa kwa ajili ya mapendo yabo na kwa ajili ya usaidizi yabo mbele ya Israeli, la position qu'ils avaient prise pendant que toutes les nations de la terre combattaient Israël là à Megiddon, musimamo ile mzuri walichugua kusimama pembeni ngambo ya Israeli wakati ile mataifa yote ilikuwa nakombanisha Israeli mule mu Megiddon, à cause de ce qu'ils ont fait, kwa ajili ya ile balifanya, Dieu les justifie, Mungu anabahesabia haki, ils passent vivre comme récompense, wanapita waishi sawa malipo, 1000 ans ensemble avec Israël, miaka elfu pamoja na Israeli, pendant que Satan sera lié et jeté en prison. Mwile wakati shetani watamfunga na kumtupa mugereza mukifungo. La deuxième préoccupation du frère, ulizo ya pili ya nduku, aide-moi mon pasteur à établir la différence. Unisaidie pastori nipate kupata achanisho. Ah, c'est-à-dire entre le millénium, manake katikati ya utawala wa miaka elfu, les noces de l'agneau, na makaramu ya mwana kondo, c'est la nouvelle Jérusalem, na yulu ya Yerusalema mupya. Pendant tout ça, wakati ya hii yote, quelles seront la situation et les positions de Lucifer? Ali ya Lucifero na itakuwa namna gani? Ça c'est juste une parenthèse qui me donnera aussi l'idée sur mes préoccupations. Hii ni mukato mina fungula ile tanipatia mawazo yule ya maulizo yangu. Veuillez m'excuser cher pasteur pour ce dérangement. Uniremu pastori kwa ajili ya kuuji ni kunauji. Et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également votre ministère. Na Mungu akubariki abariki hivyo hivyo huduma wako wala utumishi yako. La position de Lucifer après que l'épouse soit enlevée, Musimamo ya Lucifer kisha bibi harusi kunyanyuliwa, nous l'avons déjà brièvement expliqué pendant l'enseignement. Tunesha ifasilia wakati ya mafundisho. Satan descend sur la terre comme le montre l'Apocalypse 12. Shetani yuko nashuka pa dunia vile Ufunuo sura 12 anaionyesha. Animé d'une très grande colère parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Mwenye kusukumwa na kasirani mkubwa kwani anajua kwamba ana tena na wakati mingi. Comme Satan connaît les écritures, il sait qu'il ne lui reste que 7 ans pour être jeté en prison. Sawa vile shetani anajua maandiko, anajua kwamba kuna mbakiria tu miaka 7 ajua kutupwa mkifungo. C'est pourquoi il fera semblant. Romana atafanya semblant. Pendant les premières 3 ans et demi de la paix pour Israël. Wile miaka 3 na kipande ya salama ya Israeli. De faire une alliance hypocrite avec plusieurs. Ya kufanya agano na watu mingi. Et quand il voit qu'il ne lui reste que 3 ans et demi, il brise l'alliance. Wakati anaona ya kwamba kuna mbakiria tu miaka 3 na miezi 6 anavunja agano. Et comme nous l'avons expliqué, na vile tulifasilia, pendant les 3 ans et demi, les 3 ans premières et demi de la semaine, wile miaka 3 na miezi 6 ya kumwanjo ya Satan n'aura pas toute l'autorité absolue sur la terre. Shetani hatakuwa na mamlaka yote pa dunia. Mais après le brisement de l'alliance, alakini kisha yeye kuvunja agano, c'est à ce moment-là que Satan aura l'autorité absolue sur toute la terre. Jomo ile wakati shetani atakuwa na mamlaka tele ya dunia mzima. Qu'il va exercer avec méchanceté. Ila atatumia na ukaidi wala na roho mbaya. Mais pendant le millénium, alakini mwile utawala wa miaka 1000, Satan lui sera en prison. Shetani yeye atatupa mkifungo. C'est ça la position qu'aura Lucifer pendant cette période-là. Maintenant, quelle est la différence qui existe entre le millénium, les noces de l'agneau et la Nouvelle Jérusalem? Pour répondre à la question du frère, ce qui précède c'est les noces de l'agneau. Ile tatangulia ni makaramu ya mwana kondoo. C'est lorsque nous arrivons à la fin de cet âge de la Odyssée. Wakati ile tunafika kumwisho hii kizazi ya Laodikia. Quand le dernier élu entre. Wakati mteule wa mwisho anaingia. Jésus-Christ revient, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ndiye anarudi. Et il revient pour enlever son église. Na anarudi nijua kunyanyua bibi harusi wake wala kanisa. Afin de l'amener au ciel, aux noces, à la fête, aux noces de l'agneau. Ili apate kumpeleka kumbingu kule kukaramu ya mwana kondoo. Et cette fête durera. Na ile karamu itagawia. Toute la période de la 70e semaine de Daniel. Ile wakati yote ya majuma 70 ya Danieli. Les noces de l'agneau, pour répondre un peu plus clairement aux frères. Makaramu mwana kondoo jua kujibu wazi wazi. Les noces de l'agneau. Makaramu mwana kondoo. Sont la fête des vainqueurs. Iko ni makaramu ya washindaji. Qui aura au ciel après l'enlèvement de l'épouse des nations pendant 7 ans. Il est tafanika kule kumbingu kisha kunyanyuliwa kwa kanisa ya mataifa. Au début de la 70e semaine de Daniel. Umwanjo ya majuma 70 ya Danieli. C'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 19. Joele tunaweza kusoma Mufunuo sura 19. Dans le verset 7 à 9. Musari ya 7 kufika na 9. Maintenant le millénium. Sasa utawala wa miaka 1000. Le millénium vient 7 ans plus tard. Utawala wa miaka 1000 yoyo itakuja kisha miaka 7. Après après l'enlèvement de l'épouse, kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, à la fin des noces de l'agneau, kumwisho ya makaramu wa mwana kondoo, donc le millénium, manake utawalo wa miaka elfu, et le règne de Christ, jo utawalo ya Kristo, comme fils de David, sawa mwana wa Daudi, comme roi, sawa mfalme, comme le lion de la tribu de Juda, simba wa kabila wa Yuda. Il vient maintenant pendant 1000 ans anakuja ni mwaka elfu, pour régner sur la terre avec sa reine qui est devenue maintenant sa femme. Juu ya kutawala pa dunia na malkia wake mwenye kuwa mke wake. Et le règne de 1000 ans na pour le millénium, utawala ya mwaka elfu, vient après la guerre d'Armageddon, ikunakuja ni kisha vita ya Armagedoni, les jugements des nations, hukumu ya mataifa, la première résurrection, ufufuko ya kwanza, où il y aura le 144 000 et les vierges folles, de l'âge de l'Odyssée, qui aura à la fin des 70 semaines de Daniel, lorsque Christ et son épouse descendra sur la terre après les noces de l'agneau et après que Satan soit lié. Donc le millénium est la période du royaume de Christ. Ni wakati ya utawalo ya Kristo. Un royaume de paix. Ufalme wa salama. Où il n'y aura pas de guerre. Mula mutakuwa vita. Un royaume de sécurité. Utawalo ya ukingo. Où Christ va régner. Mule Christ wa comme fils de David, comme roi. Sawa mwana wa Daudi, sawa mfalme. Donc pendant 1000 ans. Kadiri ya miaka elfu. Le millénium est le règne de Christ. Utawalo wa miaka elfu ni utawalo wa Kristo. Ça c'est Ésaïe 11, ini Isaïa sura 11, verset 6 à 10, mustari ya 6 kufika na 10, Apocalypse chapitre 20, Ufunuo sura 12, verset 2 à 5, mustari ya 2 kufika na 5. Et enfin, na mwisho, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem mupya. La nouvelle Jérusalem est la cité céleste. Jérusalem mupya yayo ni muji ya kumbingu. Que nous appelons la Jérusalem céleste encore. Ile tunaita tena Jérusalem mupya. Qui est l'habitation de l'Église épouse des nations. Yenye kuwa makao ya kanisa bibi ya mataifa. Qui est devenue la femme de Christ, sa reine. Ula nakuwa sasa malkia wala muke wa Kristo. Cette cité descendra au début du millénium. Ile muji itashuka ni kumwanjo kwa utawala wa miaka elfu. Et c'est dans cette cité ni muile muji qu'habitera Christ avec sa femme. Jo mutaketi Kristo pamoja na mke wake. Pour régner. Juu ya kutawala. Et cette cité na ile muji sera au-dessus itakuwa yulu de la Jérusalem terrestre. Ya hii Yerusalema ya padunia. La nouvelle cité, donc la nouvelle Jérusalem, manaki Yerusalem mupya, et la Jérusalem céleste, ni Yerusalem wa kumbingu, et la cité céleste, na ni muji ya kumbingu, qui est l'habitation de l'épouse, yenye kwa makao ya bibi harusi, église épouse des nations, kanisa bibi harusi wa mataifa, qui descendra au début du millénium, ile tashuka ni kumwanjo utawala wa miaka elfu, au-dessus de la Jérusalem terrestre, itashimama yulu ya Yerusalem pa dunia. Cité na ni mwile muji où habitera jo mutaketi le roi et la reine mufalme na malkia wake. Ça c'est Apocalypse 21, ile ni Ufunuo sura 21 verset 2 à 3, mustari ya pili kufika na 3. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. C'est ça la question au frère qui nous suit en ligne. C'est une question qu'il a envoyée par WhatsApp. Et nous l'avons imprimée pour vous la lire. Maintenant, suivez-moi très bien parce que j'aime aujourd'hui clôturer ce chapitre pour commencer le dernier chapitre. Munifate mzuri kwani mimi napenda kumaliza hii sura ili tuanze sura mpya. Donc il y a encore beaucoup de choses à expliquer, mais nous ne saurons pas le faire dans cet enseignement. Kwani kuko vitu mingi kufasilia, tuwezi kubifasilia mwa hii mafundisho. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Et la lecture de la parole de Dieu. Na juu usomi wa neno la Mungu. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. C'est toi qui es l'auteur de la vie. Wenjo mwanzishi ya bujima. La vie est un don qui vient de toi. Bujima ni zawadi ya kutoka kwako. Et l'éternité est entre ta main. Na umilele iku mikono yako. Je crois que chaque frère, chaque sœur. Naamini ya kwamba kila ndugu na kila dada. Que tu as touché à son cœur et tu l'as amené à croire ce message du temps de la fin. Ulirumgusa kumoyo na unamsukuma amini ujumbe wa wakati wa mwisho. Tu as mis en lui un désir profond de connaître la vérité. Uliweka ndani yake nia ya upana ya kujua ukweli. Et d'être participant à tout accomplissement de ta parole. Na apate kwa mshiriki wa kutimilika kwa neno lako. Béni le frère et le sœur. Bariki wanduku na wadada. Toi le révélateur de la parole. Wenjo wa kufunua neno lako. Que tu puisses leur accorder une meilleure compréhension des choses. Upate kuwapatia kuelewa kuzuri kwa bitu. Là où les lèvres humaines n'ont pas bien parlé. Pale midomo ya mtu haikuseme mzuri. Que le Saint-Esprit le correcteur le fasse. Roho Mtakatifu wa kunyolosha apate kuifanya. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Bénis chacun de nous. Ubariki kila mmoja wetu. Et accorde-nous la victoire. Na utupatie ushindi. Que tout se fasse pour ta gloire. Yote fanyike juu ya utukufu wako. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Apocalypse 21. Ufunuo sura ya 22:1. Dans son verset 2 nous lisons. Mstari ya pili tunasoma hivi. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. Na nikaona toka mbingu ushuka toka kwa Mungu. La nouvelle Jérusalem. Yerusalem mupya. Paraît comme une épouse qui s'est parée, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ataketi pamoja nabo. Et ils seront son peuple. Na wao watakuwa taifa yake. Et Dieu lui-même sera avec eux. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nabo. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Atapanguza kila chozi kumacho zao. Et la mort ne sera plus. Na lufa itakuwa kotena. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Hakutakuwa wala kilio, wala malalamiko, wala maumivu. Car les premières choses ont disparu. Wani hivi vitu vya kwanza vinaisha potea. Et celui qui était assis sur le trône dit, na ule alikuwa mwenye uketi pa kiti cha enzi akasema, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Tazama mimi nafanya vitu vyote kwa vipya. Et il dit, na akasema, écrit, uandike, car ces paroles, wani maneno, sont certaines et véritables. Iku ya hakika na ya kweli. Et il me dit, na akaniambia, c'est fait. Inenea. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni alpha na omega. Le commencement et la fin. Mwanzo na mwisho. Et à celui qui a soif, kwa mwenye kwa na kiu, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes les choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour résumer les choses que nous avons dites dimanche. Et pour terminer ce chapitre, avant de commencer le dernier chapitre qui touche le six buts de Daniel. Nous disons qu'à la fin des 70 semaines de Daniel, tunasema ya kwamba kumwisho ya majuma makumi saba ya Danieli, lorsque vous regardez dans le chemin que nous vous avons donné, mukiangalia mupicha ile tulimpatia, là nous sommes vraiment à la fin. Manake tuku tuni kumwisho. Il y a des frères qui m'ont demandé d'ajouter quelques versets sur le chemin. Bukubandu kubalinomba nipate kuongeza kwa mistari ya Biblia ku picha. Je le ferai volontiers. Naifanya kwa mapenzi. En attendant qu'on imprime cela, on va vous le distribuer. Bakongoja bapate kuiandika batamikaburia. À la fin des 70 semaines de Daniel, mwisho ya majuma makumi saba ya Danieli, voici ce qu'il faut noter. Tazameni ya moyo kushika. Il y aura la guerre d'Armageddon. Utakuwa vita ya Armagedoni. Qui est la troisième guerre mondiale. Yenye kuwa vita ya tatu ya ulimwengu mzima. Qui est consigné dans Apocalypse au chapitre 16. Yenye upatikana mufunuo sura 16. Dans son verset 12. Mustari ya 12. Dans son verset 16. Mustari ya 16. Et dans beaucoup plusieurs versets. Na mamustari ya mingi. Il y aura les jugements de la bête et la destruction de la grande Babylone. Vous le lirez dans Apocalypse chapitre 16, dans son verset 17 à 21. L'Apocalypse 17 en parle. L'Apocalypse chapitre 18 en parle aussi. L'Apocalypse chapitre 19. Dans son verset 17 à 19. En parle aussi. Nous lisons Apocalypse chapitre 19. Tunasoma Ufunuo sura 19, 19. À partir du verset 17. Kuanzia mstari wa 17. Jusque dans son verset 19. Kufika na mstari wa 19. Ça va nous prendre du temps, aller le lire à la maison, parce que pendant les jours passés, nous l'avons déjà lu. Ah, molta isoma kumulango kwani tunesha isoma masiku ilipita. Et après cette guerre d'Armageddon, kisha vita ya Armagedoni, Satan sera lié, Shetani atafungiwa, et sera jeté en prison. Na kumutupa mukifungo. C'est Apocalypse 20, ni Ufunuo sura makumi mbili, dans son verset 1 à 3. Mstari ya kwanza kufika tatu. Après que Satan soit lié et jeté en prison, kisha Shetani kufungwa na kutupa mukifungo, il y aura la résurrection de 144,000 et des vierges folles. Utakuwa ufufuko wa 144,000 na babikira bumbafu. Qui avait été tué par la bête dans sa colère. Bale baliuawa na nyama mukasirani yake. Et pendant la grande tribulation, ils vont ressusciter. C'est ce que nous appelons la première résurrection. La première résurrection englobe depuis la résurrection de Jésus-Christ avec tous les saints de l'Ancien Testament. Ça touche la résurrection des élus à la fin de l'âge de la Odyssée, que nous appelons l'épouse ou les élus de chaque six âges de l'Église jusqu'au septième. Et cela aussi englobe la résurrection de 144,000 et des vierges folles. Il ressuscite au début du millénium. À la fin des 70 semaines de Daniel. Après la guerre d'Armageddon. Après que Satan soit lié et jeté en prison. Et la Bible dit. Heureux ceux qui participeront à la première résurrection. Parce qu'ils n'auront plus à souffrir à la deuxième résurrection. C'est Apocalypse 20, le verset 4 à 6. Et il y aura le jugement des nations. Utakuwa hukumu ya wa mataifa. Que Christ a parlé dans Matthieu 25. Ile Kristo alisema mu Mathayo 25. Dans son verset 31 à 46. Mstari wa 31 kufika 46. Il y aura la descente de l'épouse. Utakuwa kushuka kwa bibi harusi. Et de l'épouse sur la terre. Na kwa bwana harusi pa dunia. C'est la fin de noces. Ile ndio mwisho ya makaramu wa mwana kondoo. Pour entrer dans le millénium. Ya kuingia mutawala wa miaka elfu. Ça vous pouvez le lire dans Apocalypse 20 verset 4. Mutaisoma mfunuo 12 mstari 4. Donc c'est après. Manake nikisha les 70 semaines de Daniel. Majuma 70 ya Danieli. Au millénium. Que nous avons appelé dimanche le septième jour. Il y aura au commencement la descente de la nouvelle Jérusalem qui est la cité de Dieu, qui est la cité céleste où habitera Mule mutaketi, l'épouse bibi arusi, qui est la femme de l'agneau. Ça vous le lirez dans Apocalypse 21. Sura na moja, dans son verset 2 à 3. Ya pili, fika tatu. Au début du millénium. Le millénium est le septième jour. Elfu, c'est le jour du repos. Siku ya c'est le jour du sabbat. Ni siku ya sabato. Après que Dieu ait travaillé six jours. Kisha Mungu utumika masiku sita, il s'est reposé le septième jour. Alipumzika siku ya saba. Et ici au millénium. Apa, utawala miaka elfu, après que Dieu ait travaillé pendant 6000 ans. Kisha Mungu utumika miaka elfu sita, pour chercher les élus et sauver l'humanité, il va se reposer au millénium qui est le septième jour, le sabbat. Et maintenant, quand le millénium arrive, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, et la nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de l'église épouse qui est la femme de l'agneau. C'est dans le millénium où il y aura le rétablissement du royaume d'Israël. Il y a une question qui avait été posée à Jésus-Christ dans Actes des Apôtres au chapitre 1 au verset 6. Les apôtres voulaient savoir si c'est en ce temps-là qu'il établirait le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël ne devait pas s'établir à la première venue de Christ. Le royaume d'Israël s'est établi dans le millénium. Vous pouvez lire cela dans Daniel au chapitre 7, dans son verset 18, dans son verset 22. Qui vivront au millénium? Ni wanani wataishi mule mutawala wa miaka elfu? Qui vivront au millénium? Ni wanani wale wataishi mutawala wa miaka elfu? Hein? Kwanza, il y a Christ qui sera au millénium. Utakuwa Christ ule atakuwa mule mutawala wa miaka elfu. Lui-même comme le roi des rois. Yeye mwenyewe sawa mfalme wa wafalme. Lui-même comme le fils de David. Yeye mwenyewe sawa mwana wa Daudi. Lui-même comme le lion de la tribu de Juda. Yeye mwenyewe sawa simba wa kabila ya Yuda. Lui-même comme la femme. Yeye mwenyewe sawa mke. Et de l'épouse des nations. Ah, wa mke wa mataifa. Et dans le millénium, il y aura l'épouse des nations qui vivra avec Christ comme sa reine. Dans le millénium, il y aura les 144 000, c'est-à-dire il y aura Israël. Dans le millénium, il y vivra vivra les vierges folles. Et dans le millénium, il vivra toutes les nations. Comme nous l'avons déjà dit, qui était favorable à Israël dans la guerre d'Armageddon. Nous avons déjà dit que le millénium est un monde imparfait. La Bible dans Ésaïe chapitre 65, dans son verset 18 à 25, la Bible dit: le pécheur de 100 ans sera retranché, mais l'homme est destiné à vivre 1000 ans. Voyez, au millénium, comme c'est un monde imparfait, on y parle encore du péché. Dans le millénium, toutes les bêtes mangeront des herbes conformément à Ésaïe 11 dans son verset 5 à 10. Dans le millénium, un seul animal qui sera malheureux, c'est le serpent. Lui continuera à ramper, mais il ne mordra plus les gens. Il ne fera plus tort à personne, mais il continuera à manger de la poussière. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 65, dans le verset 25. Dans le millénium, il y aura des enfants qui naîtront et qui accompliront leurs jours. Dans le millénium, il y aura des maisons qui seront construites et habitées par les nations. Dans le millénium, il y aura des champs de vignes et qui seront cultivés. Dans le millénium, il y aura encore la notion de la loi. Il y aura le sabbat. Il y aura la nouvelle lune. Et ce sont ces choses qui se trouvent au millénium. Maintenant, conformément à Apocalypse 20, au verset 7 à 15, lorsque nous arrivons à la fin du millénium, qu'est-ce qui arrive à la fin du millénium? À la fin du millénium, premièrement, Satan est relâché de sa prison avec tous ses démons. Et lorsque Satan est relâché, Shetani wanamtosha mkifungo, il va séduire de nouveau atatongoza tena ces nations inconverties, aba ba mataifa basifu kuwani, ces nations païennes, ba mataifa wapagano, qui avaient reçu la grâce de Dieu, bali walipata neema ya Mungu, qui avaient reçu la faveur de Dieu, walipata faida kwa Mungu, de vivre 1000 ans, yabo kuishi miaka elfu, dans le millénium, mutawala miaka elfu, et il va les séduire atatongoza pour les mettre derrière lui. Ces nations inconverties seront du camp de Satan, seront du camp de Lucifer et de démons. C'est maintenant Satan, ni Shetani, les démons, na mademona, et toutes ces nations, na ile mataifa yote, qui iront investir les camps des saints, kampi ya les camps des saints, kampi ya watakatifu, et la ville bien-aimée. Na muji mpendwa. Et quand il ira investir le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est à ce moment-là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog, qui est la quatrième guerre mondiale et la dernière. Et après la guerre de Gog et Magog, Satan sera de nouveau arrêté, il sera lié, maintenant il sera jugé, et c'est sa destruction finale. Maintenant il sera jeté dans le feu et le soufre avec tous ses démons, et on ne parlera plus de Satan. L'aventure du Satan s'arrêtera à ce moment-là. L'aventure de Satan s'arrête après la guerre de Gog et Magog. C'est là où son film s'arrête. Et c'est là où il comprendra qu'il n'était qu'un prétentieux. Il n'était rien. Il n'avait rien. Voyez, c'était un aventurier. Il n'a rien fait contre le pouvoir et l'autorité de Dieu. Après que Satan soit lié et détruit complètement, il y aura la résurrection générale de tout le monde, même ceux qui sont sauvés, même les païens, tout le monde va ressusciter. Et à ce moment-là, après cette résurrection générale, il y aura cette résurrection générale que Daniel 12 verset 2 décrit en disant ceci. Daniel 12 dans son verset 2: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour une honte éternelle. Les autres se lèveront dans des corps honteux. Vous voyez bien mes frères, il y aura le jugement du trône blanc et les sauver, la vie éternelle et l'entrée dans l'éternité laissera permise. Et les incrédules et tous les méchants seront condamnés pour toujours et seront aussi jetés dans le feu ainsi que les soufres dans les temps de feu du soufre, et leur aventure va se clôturer. Et après que Dieu ait terminé avec cette affaire, maintenant, il y a l'éternité qui commence. L'éternité vient après le jugement du trône blanc. L'éternité vient à la fin du millénium. Et l'éternité, comme nous l'avons montré, c'est le huitième jour, le retour au premier jour, parce que l'éternité c'est un cercle continuel. C'est Lévitique 23, verset 36, qui parle du huitième jour, qui parle d'une convocation sainte. Et quand l'éternité vient, maintenant la nouvelle terre et les nouveaux cieux arrivent. Et là, c'est un monde parfait, un monde sans péché. C'est le retour en Éden avant le péché. À ce moment-là, Dieu sera le seul père. À ce moment-là, il n'y aura plus de fonctions que Dieu occupera comme fils, comme Saint-Esprit, comme sacrificateur, comme avocat. Non. Pourquoi? Parce que la rédemption complète a déjà été accomplie. Maintenant, Dieu habitera avec les hommes. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. S'accomplit. 1 Corinthiens chapitre 15. sura 15, verset 24, musara makumi mbili na ine, et verset 28, na musara makumi mbili na munane. Ensuite, na kisha, viendra la fin, itakuja mwisho, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Wakati il atarudisha ufalme kwa ule mwenye kuwa Mungu na Baba. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, kisha kuweka chini mamlaka yote na utawala yote, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Kwani inapasha tawale kisha yeye kuweka baadhi yake bote chini ya miguu zake. Makumi mbili na lorsque toutes choses lui auront été soumises, wakati ile vitu vyote vitamtiisha, alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Manake mwana naye atamtii ule alimtiishisha vitu vyote. Afin que Dieu ile Mungu soit tout en tous. Apate kuwa wote mubote. C'est ici l'écriture. Hapa ndio andiko. Que les témoins de Jéhovah utilisent pour montrer. Ile washahidi wa Yehova wanaonesha. Que Christ. Ya kwamba Kristo. Et Dieu. Na Mungu. Sont deux personnes différentes. Watu mbili wenye kuachana. Ils ne comprennent pas. Hawaelewe. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Kwani wao hawana na ufunuo. La fonction du Fils. Kazi ya mwana. N'existera plus. Haitakuwa ko tena. Il sera lui-même. Atabaki peke yake. Le tout en tout. Ote ndani ya bote. Comme Colossiens 3. Kama vile wa Kolosai 3. Verset 11 le dit. Mstari ya 11 anasema. Colossiens 3:11. Wa Kolosai 3:11. Colossiens 11. Wa Kolosai sura 3. L'écriture dit ceci. Andiko inasema hivi. Colossiens 3:11. Wa Kolosai 3:11. Je disais. Colossiens. Une minute. Nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes à Corinthe, à Corinthe, comme il attend nous. Ah, dans le verset 28. Maintenant nous lisons. En fait, nous sommes à. Tendez. Nous lisons, nous subirons. Nous subirons qui d'autre. Colossiens chapitre 1. Va Colossae sur la Yaconda. Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Quoi ni qui sont sur la terre. Les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Mamlaka. Tout a été créé par lui. Vyote vilumba lui na juu yake yeye. Il est avant toute chose. Et comme elle a dit vyote. Et toute chose. Vitu vyote. C'est juste en lui. Il faut qu'on gagne yake. Vous voyez. Unaona. Maintenant quand Christ. Wakati le Christo. Va maintenant. Donc le trône arrive. Dans l'éternité. Wakati tunafika mu milele. Il n'y a plus une œuvre à faire. Il n'a plus d'autres fonctions. Ana tena na kazi ingine ya kufanya Christo. Toutes les fonctions sont terminées. Ma kazi yote na malizika. Alors il laisse le Père. Bale anabakia tu Baba. Qui gère toutes choses. Mwenye kuongoza kila kitu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. C'est ce que vous devez comprendre. Jo ile munapati kuelewa. C'est bien, je... Lèvons-nous pour la prière. Aussi ma médie à ma ombre. Christ sera le tout en tout. Christ a ta quoi? L'autre est dans la beauté. Colossiens chapitre 3. La Colossae sur la tatou. Verset 11. Moussa de la Kumina Moja. Dans sa dernière partie. Mkipande ya Christ est tout en tous. Mkipande ya mwisho. Christ, vyote ndani ya bojo à ce moment-là wote mubantu bote. On ne parlera plus de l'agneau. On ne parlera plus du Fils. On ne parlera plus du sacrificateur. On ne parlera plus du sacrifice. On ne parlera plus de ces choses. Parce que l'œuvre de la rédemption a été parfaitement accomplie. Maintenant c'est l'éternité. Nous vivrons avec Dieu. Les uns les autres. Pamoja na bengine. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki. Prions tous ensemble. Tuombe sisi wote pamoja.